Élisée Reclus, fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Troisième partie. Le plan de la Nouvelle-Orléans est comme celui de toutes les villes américaines, d'une extrême simplicité. Cependant, l'immense courbe du Mississippi, qui a valu à la métropole du Sud le nom poétique de Cité du Croissant, a empêché de tracer des rues parfaitement droites d'une extrémité à l'autre de la ville. Il a fallu disposer les quartiers en forme de trapèze, séparés l'un de l'autre par de larges boulevards et tournant leur petite base vers le fleuve. En revanche, les faubourgs de l'ouest, Lafayette, Jefferson, Carrollton, construits sur une presqu'île semi-annulaire du Mississippi, présentent au fleuve leur base la plus large et les boulevards qui les limitent de chaque côté se réunissent en pointe sur la lisière de la forêt au milieu de laquelle la ville a été bâtie. Grâce à l'adjonction récente de ces quartiers, la Nouvelle-Orléans a pris un nouvel aspect et les deux gracieuses courbes que le Mississippi décrit le long de ses quais sur une étendue de 7 000 environ devraient lui faire donner le nom de « Double Crescent City ». L'humidité du sol de la capitale de la Louisiane est passée en proverbe et l'on a été souvent jusqu'à dire que la ville tout entière, avec ses édifices, ses entrepôts et ses boulevards, reposait sur un immense radeau porté par l'eau du fleuve. Des trous de sonde forés jusqu'à 250 mètres de profondeur ont suffisamment prouvé que cette assertion était erronée. Mais ils ont aussi montré que le sol sur lequel est bâtie la ville se compose uniquement de lits de vase alternant avec des couches d'argile et des troncs d'arbres qui se transforment lentement en tourbe, puis en charbon, sous l'action des forces toujours à l'œuvre dans la grande usine de la nature. Il suffit de creuser de quelques centimètres ou, pendant les saisons de grande sécheresse, d'un ou deux mètres pour rencontrer l'eau vaseuse. Aussi la moindre pluie suffit-elle pour inonder les rues et, quand une trombe d'eau s'abat sur la ville, toutes les avenues et les places sont changées en rivières et en lagunes. Des machines à vapeur fonctionnent presque sans relâche pour débarrasser la Nouvelle-Orléans de ses eaux stagnantes et les déverser au moyen d'un canal dans le lac Pontchartrain à 4 milles au nord du fleuve. On sait que les bords du Mississippi, comme ceux de tous les cours d'eau qui arrosent les plaines alluviales, sont plus élevés que les campagnes riveraines. Nulle part, on ne peut mieux observer ce fait qu'à la Nouvelle-Orléans, car il y a une différence de 4 mètres entre les parties de la ville situées loin du fleuve et celles qui bordent le quai. De ce côté, les constructions sont défendues contre les crues du Mississippi par une levée planchéiée de 100 mètres de large. En outre, le fleuve, dans ses inondations, apporte toujours une énorme quantité de sable et d'argile qui consolide la levée et forme une nouvelle bâture sur laquelle, depuis le commencement du siècle, on a déjà construit plusieurs rues. Les quartiers éloignés du Mississippi sont élevés de quelques centimètres seulement au-dessus du niveau de la mer et les demeures des hommes n'y sont séparées des vasières à crocodiles que par des égouts d'eau stagnante et toujours irisée. Cependant, un certain renflement du sol, appelé colline dans le pays, s'étend entre la ville et le lac Pontchartrain. Ce renflement, inappréciable à l'œil nu, peut avoir un mètre de hauteur absolue. On peut se faire une idée du niveau de la plaine en apprenant qu'à l'étiage, les eaux n'ont qu'une pente de 10 cm environ, sur un cours total de 180 km, de la ville au golfe du Mexique. Le plus ancien quartier de la Nouvelle-Orléans, celui qu'on appelle par habitude le quartier français, est encore le plus élégant de la ville. Mais les Français y sont en bien petite minorité et ces maisons ont été pour la plupart achetées par des capitalistes américains. C'est là que se trouve l'hôtel des postes, les principales banques, les magasins d'articles de Paris, la cathédrale et l'opéra. Le nom même de ce dernier édifice est une preuve de la disparition graduelle de l'élément étranger ou créole. Autrefois, ce théâtre ne jouait que des pièces françaises, comédies ou vaudeville. Mais pour continuer à faire des recettes, il a été obligé de changer ses affiches et son nom. Maintenant, c'est le public américain qui lui accorde son patronage. Il est certain que la langue française disparaît de plus en plus. Sur la population de la Nouvelle-Orléans, qui s'élève, selon les saisons, de 120 000 à 200 000 habitants, on ne compte guère que 6 à 10 000 Français, c'est-à-dire un 20e, et le même nombre de créoles non encore complètement américanisés. Bientôt, l'idiome anglo-saxon dominera sans rival et ces Indiens aborigènes, des colons français et espagnols qui s'étaient fixés dans le pays bien avant les émigrants d'origine anglaise, il ne restera que des noms de rue. Chupitoulas, Perdido, Bienville, etc. Le marché français, French Market, que les étrangers ne manquaient pas de visiter autrefois pour y entendre la confusion des langues, ne résonne plus guère que de conversations anglaises. Les Allemands, toujours honteux de leur patrie, cherchent à se prouver qu'ils sont devenus « Yankees » par des jurons bien articulés et des plaisanteries de taverne. Les nègres à l'intarissable babil ne condescendent à parler français qu'avec une sorte de commisération pour leurs interlocuteurs et les rares chasseurs indiens, fiers et tristes comme des prisonniers, répondent aux questions par des monosyllabes anglais. Le quartier américain, situé à l'ouest du quartier français, dont le sépare la large et belle rue du Canal, est habité principalement par des commerçants et des courtiers. C'est aussi le centre de la vie politique. Là se trouvent les hôtels, presque aussi beaux que ceux de New York, les entrepôts des colons, la plupart des églises et des théâtres, la principale maison de ville. Là aussi se tient le grand marché des esclaves. Une foule immense se presse toujours dans l'enceinte de Banks Arcade, autour de laquelle règne un large comptoir abondamment garni de verres et de bouteilles. Sur une estrade se tient l'encanteur, gros homme rouge et bouffi, à la voix retentissante. « Allons, Jim, monte sur la table. Combien pour le bon nègre Jim? Voyez, il est fort, il a de bonnes dents. Regardez les muscles de ses bras. Allons, danse, Jim !» Et il fait pirouetter l'esclave. « C'est un nègre qui sait tout faire. Il est menuisier, charron, cordonnier. Il n'est pas insolent. On n'a jamais besoin de le frapper. » Et cependant, on voit le plus souvent de longues raies blanchâtres tracées par le fouet sur la peau noire. Ensuite vient le tour d'une négresse. Voyez cette wench, femelle. Elle a eu déjà 2 niggers et elle est jeune encore. Regardez-moi ces reins vigoureux, cette forte poitrine. Bonne nourrice, bonne négresse de travail. Et l'enchère recommence au milieu des rires et des vociférations. Ainsi passent tour à tour sur cette table fatale tous les nègres de la Louisiane. Les enfants qui viennent de terminer leur 7e année et que la loi dans sa sollicitude juge assez âgés pour se passer de mère. Les jeunes filles offertes au regard de 2000 spectateurs et vendues à tant la livre. Les mères qui viennent de se voir enlever leurs enfants et qui doivent être gaies sous peine du fouet. Les vieillards si souvent déjà mis aux enchères, qui doivent paraître une dernière fois devant ces hommes à face pâle qui les méprisent et rient de leurs cheveux blancs. La plus vile, la plus misérable des vanités, celle d'être vendue bien cher, leur fait à la fin défaut. Adjugés pour quelques dollars, ils ne sont plus bons qu'à être enterrés comme des animaux de la cyprière. Ainsi disent les esclavagistes, ainsi le veulent, suivant, eux, la cause même du progrès, les doctrines de notre sainte religion, les lois les plus sacrées de la famille et de la propriété. Longtemps, toutes les maisons de la Nouvelle-Orléans ont été construites en bois. C'étaient de simples baraques et la cité tout entière, malgré son étendue, avait l'air d'un vaste champ de foire. Aujourd'hui, les maisons des deux grands quartiers sont, pour la plupart, bâtis en briques et en pierre. On a même osé employer le granit dans la construction de la nouvelle douane. Il est vrai qu'en dépit des forts pilotis de 30 mètres de longueur sur lesquels elle repose, ses murailles se sont déjà enfoncées d'un pied dans le sol. Mais le principal agent de la transformation de la ville, ce n'est pas le sens esthétique des propriétaires, c'est le feu. J'eus bientôt l'occasion de m'en convaincre, car j'arrivais à la Nouvelle-Orléans au plus fort de la période annuelle des incendies. D'après les poètes, le mois de mai est la saison du renouveau. Dans la métropole de la Louisiane, c'est l'époque des conflagrations. Cela se comprend, dira-t-on, car c'est alors que les chaleurs commencent et que les boiseries des maisons se dessèchent sous les rayons du soleil. C'est aussi la saison joyeuse pendant laquelle on a d'ordinaire le plus d'insouciance pour ses intérêts. Tout cela est vrai, ajoutent les médisants, mais il ne faut pas oublier que le mois de mai précède immédiatement le terme d'avril et que l'incendie peut aider à régler bien des comptes. Le fait est que pendant les deux ou trois dernières semaines de mai, il ne s'écoule pas une nuit que le tocsin n'appelle les citoyens de sa voix lente et profonde. Souvent, les reflets pourpres de quatre ou cinq incendies colorent en même temps le ciel et les pompiers éveillés en sursaut ne savent de quel côté leur présence est le plus nécessaire. On a calculé que dans la seule ville de New York, les flammes dévorent chaque année autant d'immeubles que dans la France entière. À la Nouvelle-Orléans, ville de 5 à 6 fois moins peuplée que New York, la part du feu est relativement plus forte encore, puisque la perte totale causée par les incendies équivaut à la moitié de la perte due aux sinistres de même nature dans toute l'étendue du territoire français. Dès l'une des premières nuits de mon séjour dans la métropole du Sud, il arriva un de ces effroyables désastres si fréquents aux États-Unis. 7 grands bateaux à vapeur brûlés à la fois. C'était un spectacle magnifique. Les 7 navires amarrés à côté l'un de l'autre formaient comme autant de foyers distincts, réunis à la base par une mer de flammes. Les tourbillons de feu, jaillissant du fond des cales embrasées, se recourbaient gracieusement au-dessous des galeries et révélaient dans toute son éphémère beauté l'architecture élégante de ces palais étincelants de dorure et de glace. Mais bientôt, les langues de feu pénétrèrent par jets successifs à travers le plancher des galeries et de la base au sommet. Les 3 étages de cabine furent enveloppés dans un ouragan de flammes. Au-dessus des navires, les noires cheminées, entourées des ondes tournoyantes de l'incendie, restèrent longtemps immobiles comme des spectres funèbres et les drapeaux, hissés à l'extrémité des mâts, se montrèrent de temps en temps à travers la fumée, flottant joyeusement comme dans un jour de fête. L'une après l'autre, les galeries s'affaissèrent avec d'horribles craquements, les machines et les fourneaux, perdant leur centre de gravité, se penchèrent tout à coup, faisant osciller comme une banderole tout le vaste incendie. Les étages, les cheminées s'écroulèrent successivement et le Mississippi, couvert de débris embrasés, charria tout un fleuve de feu. Les façades uniformes de la ville, les quais couverts de marchandises, la foule en désordre, les grands navires amarrés le long du rivage et, sur la rive opposée, les maisons et la forêt d'Alger, tout semblait éclairé d'une lueur sanglante. Par contraste, le ciel seul paraissait noir et les étoiles avaient disparu. Les cris que l'on entendit longtemps sortir des navires en feu augmentaient l'horreur de cette effroyable scène. 42 personnes furent brûlées vivantes avant qu'on eût organisé le sauvetage. On sait que sur le Mississippi, depuis la construction du premier bateau à vapeur jusqu'à nos jours, plus de 40 000 personnes ont été brûlées ou noyées par suite d'accidents de tout genre, explosions, collisions ou incendies. C'est une moyenne de 1 000 victimes par an. Les veilleurs de nuit sont beaucoup trop nombreux pour être d'une sérieuse utilité dans la prévention des sinistres. La ville, longue de près de 7 000 sur une largeur moyenne d'1 mille, n'a pour tout gardien que 240 hommes, dont 120 sont de service pendant la nuit. Encore prennent-ils bien soin d'avertir les malfaiteurs de leur approche. Ils sont munis d'un grand bâton en bois de fer ou de chêne, et quand ils arrivent au coin d'une rue, ils frappent un coup retentissant sur l'angle du trottoir. Les incendiaires, les voleurs et les meurtriers entendent ainsi venir l'ennemi et peuvent accomplir leurs exploits sans crainte de surprise. Les grands criminels ne se laissent guère arrêter que lorsque, enhardis par de longs succès, ils ont l'audace de tuer en plein jour. Chaque année, il se commet plusieurs centaines de meurtres complaisamment enregistrés par les journalistes, mais rarement poursuivis par les juges. Cependant, le débordement d'iniquité est tel que, malgré l'insouciance de la justice, on opère de 25 000 à 30 000 arrestations par an. Il est vrai que sur ce nombre considérable, égal au dixième de la population, on compte 4 ou 5 000 nègres coupables de s'être promenés sans billet de permission ou bien envoyés par leur maître au bourreau pour se faire donner 25 coups de fouet. Plus de 2500 tavernes, toujours remplies de buveurs, offrent sous forme d'eau-de-vie et de rhum un aliment aux passions les plus violentes. On spécule si bien sur le vice national de l'ivrognerie que tout le rez-de-chaussée des grands hôtels est mis librement à la disposition du public. Au centre se trouve une vaste rotonde, espèce de bourse où les négociants viennent lire les journaux et débattre leurs intérêts. À côté s'ouvre la salle des jeux de hasard, où les fripons donnent rendez-vous aux dupes. Ailleurs est la buvette, où s'étend une table publique, très richement et très abondamment servie. Le repas est complètement gratuit et le premier venu peut s'attabler. Il ne faut payer que pour l'eau-de-vie ou le rhum. Le picaillon, 25 centimes, 25 cents, qu'on donne par chaque petit verre suffit amplement à couvrir tous les frais de ces festins publics. D'ailleurs, la très grande majorité des personnes qui entrent dans la salle ne touchent pas au mets et se contentent de boire. C'est ainsi que des centaines de buveurs se cotisent sans le savoir pour payer un festin à quelques pauvres faméliques. En temps d'élection surtout, les tavernes ne désemplissent pas. Il faut que le candidat fasse raison à tous ceux qui lui donnent leur voix, car s'il ne savait prendre un cocktail avec élégance, il perdrait toute popularité et passerait pour un transfuge. Quand des adversaires politiques se rencontrent dans une buvette, avinés ou à jeun, il n'est pas rare que les paroles insultantes soient bientôt suivies de coups de poignard ou de revolver, et plus d'une fois, on a vu le vainqueur boire sur le cadavre du vaincu. La loi défend, il est vrai, comporte des armes cachées. Aussi, pendant les élections, les citoyens les plus outrecuidants éludent-ils la lettre du code en garnissant leur ceinture d'un véritable arsenal parfaitement à découvert. En général, on se contente de garder sous son habit un poignard ou un pistolet de poche. Est-il vrai que la loi défend expressément de porter des armes sur sa personne, demandait-on à un magistrat célèbre de la Louisiane? Certainement, on ne peut trop féliciter nos législateurs d'avoir défendu le port d'armes cachées. Que feriez-vous donc si je vous insultais ou si je vous donnais un soufflet? Ce que je ferais! Et saisissant à sa ceinture un pistolet chargé, il le braqua sur la tête de son interlocuteur. Un misanthrope pourrait comparer les vices de notre société européenne à un mal caché qui ronge l'individu sous ses vêtements, tandis que les vices de la société américaine apparaissent au dehors dans toute leur hideuse brutalité. La haine la plus violente sépare les partis et les races. L'esclavocrate abhorre l'abolitionniste. Le blanc exècre le nègre. Le natif déteste l'étranger. Le riche planteur méprise largement le petit propriétaire et la rivalité des intérêts crée même entre les familles alliées une barrière infranchissable de méfiance. Ce n'est pas dans une société de ce genre que l'art peut être sérieusement cultivé. En outre, les visites périodiques de la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans rendent impossible toute préoccupation autre que celle du commerce, et aucun négociant ne tient à embellir la cité qu'il se propose de fuir quand il aura réalisé une fortune suffisante. Sous prétexte d'art, les riches particuliers se bornent à badigeonner à la chaux les arbres de leur jardin. Ce luxe a le double avantage de plaire à leur regard et d'être très peu coûteux. On a pu traiter ainsi les promenades publiques, car il n'y en a pas. Le seul arbre existant dans l'intérieur de la ville est un dattier solitaire, planté il y a 60 ans par un vieux moine. En revanche, la ville a tenu à l'honneur d'élever une statue de bronze à son sauveur, Andrew Jackson. Mais cette statue n'a d'autre mérite que d'être colossale et d'avoir coûté 1 million. L'artiste qui l'a modelé et fondu, M. Clark Mills, n'a jamais été à Rome ni à Florence et n'a étudié que dans les ateliers de Washington City. Voilà ce qui fait sa réputation auprès des natifs, et ceux qui lui ont avancé les premiers fonds et procuré des travaux lui ont posé la condition expresse de ne jamais voyager hors de sa patrie. Ces incontestables titres de gloire ne suffisent point cependant pour lui faire éclipser les statuaires de l'ancien monde. Il consiste dans l'invention brevetée d'un procédé très simple pour la fusion du métal et dans l'art d'équilibrer parfaitement des statues équestres sur les deux jambes de derrière sans le secours d'une queue opulente ou d'un tronc d'arbre complaisant. La municipalité de la Nouvelle-Orléans a commandé à M. Mills une statue de Washington qui sera érigée dans le quartier américain. Quant aux édifices publics, ils sont pour la plupart sans aucune valeur architecturale. Les gares sont d'ignobles hangars noircis de fumée. Les théâtres sont pour la plupart des baraques à la merci des incendies. Les églises, à l'exception d'une espèce de mosquée bâtie par les jésuites, sont toutes de grandes masures prétentieuses. D'ailleurs, il n'est pas de monument plus soumis que les églises aux diverses chances d'incendie ou de démolition. Les communautés qui s'y assemblent se forment, se séparent, se réunissent de nouveau pour se disperser encore comme des flocons d'écume ou des tourbillons de feuilles entraînés par le vent. Qu'un jeune homme soit doué d'une forte voix, qu'il ait eu des succès dans les salons, qu'il se soit fait remarquer par un zèle religieux, vrai ou supposé, il peut émettre des actions pour la construction d'une église dont il deviendra le maître absolu. L'église sera sa chose, son capital, son fonds de commerce. Si la location des pews ne lui rapporte pas assez, si son éloquence n'est pas fructueuse, il en est quitte pour faire banqueroute, vendre, faire démolir ou brûler son église et changer de secte. C'est un genre de spéculation qui peut très bien s'allier à d'autres. Rien n'empêche le ministre du Saint-Évangile d'être en même temps banquier, planteur ou marchand d'esclaves. L'Américain n'a jamais de carrière déterminée. Il est sans cesse au guet des événements, attendant que la fortune passe pour lui sauter en croupe et se faire emporter vers le pays d'Eldorado. Hommes et choses, tout change, tout se déplace aux États-Unis avec une rapidité inconcevable pour nous qui sommes habitués à toujours suivre une longue routine. En Europe, chaque pierre a son histoire. L'église s'élève où s'éleva le dolmen et depuis 30 siècles, c'est au même lieu consacré que vont adorer les habitants du pays, gaulois, francs ou français. Nous obéissons plutôt à des traditions qu'à des hommes, et nous nous laissons gouverner par les morts encore plus que par les vivants. En Amérique, rien de semblable. Aucune superstition ne s'attache au passé, ni au sol natal, et les populations, toujours mobiles comme la surface d'un lac qui cherche son niveau, se distribuent sous l'influence des seules lois économiques. Dans la jeune et grandissante République, on compte déjà bien des ruines comme dans nos vieux empires. La vie présente est trop active et trop fougueuse pour que les traditions du passé puissent dominer les âmes. l'amour instinctif de la patrie n'existe plus aux États-Unis dans sa naïve simplicité. Pour la masse, tous les sentiments se confondent de plus en plus avec l'intérêt pécuniaire. Pour les hommes de cœur, si rares en Amérique comme dans tous les pays du monde, il n'est d'autre patrie que la liberté. Ainsi prend fin la troisième et dernière partie du récit d'Élisée Reclus intitulé « Fragments d'un voyage à la Nouvelle-Orléans ».